الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب سنخوض درسنا on est toujours dans فصل الفضائل من الأعمال les actes méritoires et également les gens de mérite dans la partie des Sahaba et qui plus est celle maintenant des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et entre autres l'auteur n'a parlé que deux qui sont Khadija, celle dont on a parlé la dernière fois et aujourd'hui on va prendre Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha. يقول في الحديث الخامس والخمسين بعد المئة 155e حديث qui est le 15e de ce فصل عن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال عمر بن الخطاب فعدى رجالا متفق عليه. Donc là dans ce hadith Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dépêché à la tête d'une troupe vers un lieu qui s'appelle Zat al-Salasil et de là Amr s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant, je l'ai interrogé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit, Aïcha. Je lui ai dit, et ensuite, qui donc? Il a dit, son père. Il a dit, et ensuite, qui donc? Il a dit, Omar ibn Khattab. Et puis, si tu as d'autres personnes par la suite. Donc là, on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la personne qui préférait à ce moment-là, c'était Aïcha, son épouse. D'accord ? Et cela, car Aïcha, parmi ses épouses, était celle qui préférait. Donc déjà, on y voit dans ce hadith qu'un homme qui serait polygame, on ne peut lui reprocher de préférer une épouse à une autre, et voire même s'il interrogeait de le dire. Ce n'est pas une injustice. Ce qui est injuste en polygamie, c'est de privilégier une aux dépens de l'autre en dans les droits. Quant à, au sentiment ressenti, ça c'est une chose qui n'est pas entre les mains de la personne, ce qui fait qu'il peut avoir une préférence pour une par rapport à une autre. Donc ceux qui seraient concernés par ce genre de situation, et entre autres les sœurs, il ne faut pas faire de disputes pour cela ou faire de problèmes pour cela, c'est une chose que même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même a ressenti. Comme a dit Allah, et vous ne saurez égaler entre vos femmes, même si vous vous efforciez. Et là, c'est le fait d'égaliser entre les femmes, d'égaliser, j'ai dit égaler, c'est égaliser, c'est-à-dire d'avoir des sentiments égaux entre elles. D'accord ? Mais il est demandé à l'homme de craindre Allah Azzawajal et d'être juste entre ses épouses si jamais il en a plusieurs. Quoi qu'il en soit, Aïcha était la personne, on ne dira pas seulement l'épouse, mais la personne que Nabi sallallahu alayhi wa sallam préférait. Au moment où la question a été posée. Alors Aïcha, radiallahu anha, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son égard, Fadlu Aïcha ala Nisa ka fadl al-Tharid à la Sa'ir al-Ta'am, qu'elle a dit que le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes, c'est comme le mérite de Tharid. Tharid, c'était une nourriture, la nourriture qu'il préférait à l'époque, qui avait le plus de... la nourriture la plus prisée à leur époque, c'était comme une forme de pain avec de la viande. Et il a dit que Aïcha, il a comparé le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes, comme cette nourriture-là par rapport aux autres nourritures. C'est-à-dire c'était le préféré des gens à ce moment-là. Donc Aïcha, elle avait des khasa'is, des particularités. Entre autres, elle est la seule femme que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a épousée en étant bikr, c'est-à-dire qui n'a jamais été marié auparavant, comme vous le savez. D'accord. Et entre autres, il s'est marié avec elle très jeune. Et cette mas'ala a fait beaucoup de polémiques par rapport à son âge. On a déjà fait un audio où on clarifie cela du mieux possible pour ceux qui veulent y retourner et écouter et profiter. Dans le cas où des gens un jour seraient amenés à leur poser la question, de répondre. Sachez une chose, par contre, ne perdez pas votre temps à répondre aux gens qui veulent juste par cela diffamer l'islam. Qui vous disent, oui, votre prophète s'est marié avec une petite fille. Celui dont tu sens qu'il veut diffamer, parle même pas avec lui. Tu pourrais dire 10 000 preuves, il ne va pas accepter. Mais si quelqu'un, par exemple, tu vois qu'il est intéressé, qu'il voudrait comprendre, d'accord, avec équité ou quoi, alors pas de mal à lui expliquer cela. Et en réalité, une personne qui a l'esprit ouvert pourrait comprendre la situation à leur époque. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le seul à l'avoir fait. Des grands hommes qui sont aujourd'hui vantés, dont on voit des statues, on voit des noms de rues, on voit des noms de collèges, des rois même, qui sont aujourd'hui, qui représentent la valeur de beaucoup de pays, eux-mêmes l'ont fait. Donc si vous blâmez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela, blâmez également vos semblables pour cela. Soyez équitable, si vraiment vous êtes sincère. Mais souvent les gens disent cela pour juste trouver une façon de critiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle est une femme, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se trouvait avec elle, le wahi descendait. Plusieurs versions sont descendues que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était auprès de Aïcha. Ensuite, dans le verset où Allah azawajal, il donne le choix à son prophète par rapport à ses femmes. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وصالحكن صراحا جميلا. Dans le sens où Allah dit à son prophète de dire à ses femmes, si jamais vous voulez ce bas monde et ses jouissances, alors venez, je vous libère et je vous donnerai une compensation. C'était au moment où les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandaient un surplus de nafaka de dépenses. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un certain butin, elle voulait qu'il dépense un peu plus pour elle. Donc là, le verset est venu pour dire, si jamais ce que vous avez avec lui ne vous satisfait pas, alors il n'y a pas de problème que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut vous libérer et vous aurez ce que vous souhaitez avoir. Donc là, elles ont eu le choix. Soit rester avec lui telles qu'elles étaient, en patientant, et en ayant une grande récompense derrière, l'au-delà et Allah, ou alors si elle voulait les libérer, et elles allaient faire leur vie et en espérant trouver mieux. Et la première qui a réagi, c'est Aïcha, en disant que je veux Allah et l'au-delà. Donc, c'est-à-dire, ce mode de vie avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je m'en contente, j'en suis satisfaite. Et c'est là qu'on voit une valeur d'une femme par rapport à son époux, du fait qu'elle patiente avec lui, dans les hauts, dans les bas. Ce n'est pas quand tout va bien, elle est là, quand ça va mal, elle déserte. Car même le niveau de dépense de l'homme peut varier. Des fois, des sœurs demandent à un frère, par exemple, qui a un certain niveau de vie. D'accord, au moment de la khidba, le frère il est à l'aise. Mais si au bout de quelques temps, vous vous mariez et cette situation financière change, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que tu vas demander le rôle pour ça? Non. Tout comme il se peut qu'un frère vienne au début pour faire une khidba, il n'a pas beaucoup de moyens, mais dans le reste, religieusement parlant, il est correct. On ne peut pas vouloir à une sœur de dire « Oui, il n'a pas de quoi m'entretenir. » C'est un droit qu'elle a. Mais savoir une chose, qu'également la situation de ce frère, par la suite, peut évoluer. C'est quelque chose qui est très aléatoire, que personne ne peut planifier à l'avance. Un jour, on a, un jour, on n'a plus. Et des gens, ils n'ont pas eu toute leur vie, certains, ils ont eu toute leur vie. C'est Allah, Azawajal, le Razak. Quoi qu'il en soit, une fois qu'une femme s'engage avec un homme, elle reste avec lui autant que possible, tant que cela n'amène pas à une nuisance religieuse envers elle, ou même physique, ou autre. Et elle patiente. Et en patientant auprès de lui, tant que cet homme, bien sûr, est musulman, est sur un peu de droiture, et sur une voie droite, eh bien, s'en verra récompensé pour cela, d'avoir patienté avec son époux. Et Aïcha, bien évidemment, elle avait le meilleur des époux, donc elle a compris cela et elle est restée auprès de lui. Et après, par la suite, les autres épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en ont fait de même. Elles ont dit qu'elles préfèrent rester avec lui et patienter. Même Saouda, que vous connaissez, Saouda avait délaissé son jour parce qu'elle voulait rester auprès de son époux, même si elle n'avait plus le même droit que les autres. Elle préférait ne plus avoir de droit, mais rester son épouse pour avoir la récompense qu'il y a dans l'au-delà, à être l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle devait délaisser son jour à Aïcha. Car elle savait que Aïcha était l'épouse préférée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Saouda a laissé son jour à Aïcha. Et regardez justement ce comportement qu'avaient les sahabiyat et les mères des croyants, c'est que tellement elles voulaient plaire à leur époux qu'elles se désistaient de certains droits, et elles savaient que Aïcha était sa préférée. Et à la fin, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans les jours de sa mort et qu'il allait mourir, d'accord, elles ont autorisé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de rester auprès de Aïcha, chez elle, pour se faire soigner, parce qu'elles savaient que c'est ça qu'il préférait. C'est-à-dire qu'elles ont donné priorité au bon vouloir du Nabi sallallahu alayhi wa sallam au leur. Et bien sûr, ceux-là ont été récompensés par la suite au long de là. Donc aussi, parmi les khasa'is de Aïcha, qu'elle a été innocentée par Allah Azzawajal lorsque les munafiqoun l'avaient accusée d'avoir commis l'adultère. Wali azubillah. Car c'est un verset entier de plusieurs versets qui sont venus pour l'innocenter. Car Allah Azzawajal, du haut des cieux, au-dessus du ciel, l'a innocenté dans le Coran directement. Et on avait parlé hier qui était la meilleure entre Aïcha et Khadija. Cheikh l'Islam, il a expliqué que Khadija était meilleure que Aïcha du fait qu'elle était là au début pour le Nasr, pour le secours qu'elle a apporté au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le soutien au moment où elle était des plus fragiles. Et Aïcha, elle est meilleure que Khadija pour la suite du fait qu'elle a été une femme, la femme qui a le plus contribué à la propagation de l'islam. Elle était la femme la plus savante et qu'elle a contribué à ce que l'islam se répande encore plus à travers le ilm et ce qui s'ensuit. Mais toutes les deux, on saura dire laquelle des deux qui était la meilleure en réalité. Elles ont chacune leur mérite. Et toutes les deux ont été les femmes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a préférées. طيب يقول فوائد الحديث تصريح بتعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة. Là, ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les gens qu'il a préférés, donc le mérite de Abu Bakr, de Omar et de Aïcha. À savoir que Aïcha également n'a pas eu d'enfant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est peut-être pour cela qu'elle a pu plus se consacrer à l'apprentissage du ilm. Thaniyan, fihi dalalat bayyina li ahli sunnah fi tafdil Abi Bakr thumma Omar ala jami' sahaba. Et là, on y trouve une preuve évidente de la préférence de Abu Bakr puis de Omar sur les autres compagnons. Et ça, c'est en réfutation aux Rafiza qui, eux, voient que Ali est censé, ou plutôt les Shia, les chiites qui voient que Ali était meilleur. Quant aux Rafiza, eux, ils vont encore plus loin que ça. Ils voient même pas seulement que Ali est meilleur. Ils voient que Abu Bakr est un kafir. Ils voient que Omar est un kafir. Ils voient les Azubillah, que la plupart des sahabas sont des koufars. Ils voient même que Ali aurait dû être le prophète et que Jibril s'est trompé. Les Rafiza disent que Jibril s'est trompé et qu'à la base, c'est Ali qui aurait dû avoir la révélation. Et certains sont partis jusqu'à dire que Ali était une divinité. Wallah Azbillah. Après ça, c'est des choses, si jamais demain vous êtes amené à les rencontrer, ils vont pas vous le dire clairement. Ils ont la taqiyya, cette forme d'hypocrisie de ne pas dire les choses clairement. Ils vont pas te le dire en face, mais dans leur livre, auprès de leur référence, cela est cité. Explicitement. Mais devant les gens, ils vont pas le dire. Ils n'osent pas dire ce genre de choses. Thalithan, Fadilat li Amr ibn As. On y voit le mérite d'Amr ibn As. Rabi'an, Jawaz ta'mir al-mafdhul 'inda wujud al-fadil idha imtaza al-mafdhul bi sifat tata'allaq bi tilka al-wilaya. Fa inna kana fi hadha al-jaysh Abu Bakr wa Umar. Et des fois, on y voit qu'il est possible de déléguer au commandement une personne qui n'est pas forcément la préférée. Par exemple, dans la troupe dans laquelle, à la tête de laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ami Amr ibn al-As, il y avait dans ses troupes, il y avait Abu Bakr et Omar. Ça veut dire que Abu Bakr et Omar étaient sous les ordres de Amr ibn al-As. Et pourtant, ils sont meilleurs que lui. Mais on a, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu que Amr ibn al-As, à ce moment-là, c'était lui qui était le plus qualifié pour cette mission en particulier. Khamisan an Aisha ahab azwaj Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ilayhi. On y voit que Aisha était la femme préférée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب ثم بعد ذلك فضل فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنيها الحسن والحسين. Donc là maintenant c'est le mérite de Fatima, la fille du Nabi صلى الله عليه وسلم, et de ses deux fils qui sont الحسن et الحسين. الحسن et الحسين. يقول في الحديث السادس والخمسين بعد المئة 156e hadith, qui est le 16e de ce fasl. An Hudhayfa radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة رواه الترمذي. Donc selon Hudhayfa, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: voici un ange qui n'est jamais venu sur terre auparavant, avant cette nuit-là. Et il a demandé la permission à son Seigneur de me passer le salam et de m'annoncer que Fatima est la maîtresse des femmes des gens du paradis et que Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes des gens du paradis. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc là, on y voit le fadl de Fatima, radiyallahu anha, la fille du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été dit que c'était la fille qui lui ressemblait le plus dans son apparence et dans son comportement. Et comme vous le savez, Fatima et ses sœurs étaient toutes les filles de Khadija. Car Khadija est la seule épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à avoir des enfants de lui. Comme on l'a expliqué, hormis Maria al-Qabtiya, qui elle n'était pas une épouse, une servante, qui avait eu son fils Ibrahim et qui est mort en bas âge. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu trois fils qui sont morts en bas âge. Il y a eu Qasim, il y a eu Abdullah et il y a eu Ibrahim. Et il a été dit que si Ibrahim avait survécu, il aurait été un prophète. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prophétisé « La Nabi Yaba'di » qu'il n'y a plus de prophète après moi. Et regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été ce que Allah a décrété pour lui, que des filles, ce qui montre la valeur d'avoir des filles. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a deux filles ou qui a des filles et qui les éduque correctement, qui prend soin d'elles, qui les fait grandir, il a dit wa akaza ma'i fil jannah, et il a croisé entre ces deux dons en disant que je suis, il sera avec moi comme ces deux-là au paradis. Donc c'est un grand mérite d'avoir des filles. D'accord ? C'est un grand mérite d'avoir des filles. Et pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a eu que des filles. Donc parmi ces filles, la première c'était Zaynab. Ensuite Ruqayya. Ensuite Umm Kulthum. Et ensuite Fatima. D'accord ? Et Fatima, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a marié à Ali ibn Abi Talib au mois de Zulqa'da, en l'an peut-être deux ans après la bataille de Badr, donc c'est-à-dire après la Hijra. Wa yaqul qala ibn Abdul Barr دخل بها بعد وقعة أحد فولدت له الحسن والحسين ومحسنة وأم كلثوم وزينب. Donc Ali a consommé son mariage après la bataille de Uhud avec Fatima, Et par la suite, elle a eu Al-Hassan, puis Al-Hussein, puis Mohsin, puis Umm Kulthum, puis Zainab. Tout cela étaient les enfants de Ali avec Fatima. Et ils étaient les petits-enfants du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le voyez, même à travers les enfants du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des fadha'il, que Fatima était meilleure que ses sœurs. Et le Hassan Hussein était meilleur que ses frères et sœurs. C'est une chose qui est comme ça. Et on doit l'admettre, on doit l'accepter, qu'il y a des préférences. Dans les sahaba, il y a eu des préférences. Même dans les prophètes, il y a eu des préférences. Et dans les épouses, il y a eu des préférences. Et dans les enfants, il y a eu des préférences. Adafallullahi yoti mayasha. C'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et normalement, les gens n'en ont pas, quand cela leur arrive, d'accord, cela leur arrive de voir qu'ils sont une autre personne et on va dire est préférée à leur insu. Si cette personne est de mérite, alors que les gens s'y résignent, ils acceptent. Que les gens s'y résignent, ils acceptent. Maintenant, c'est une préférence qui amène l'injustice. Là, c'est autre chose. Donc, Fatima, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama Fatima biz'atul minni. Yuzini ma'zaha. Il a dit que Fatima est une partie de moi. Et ce qui lui porte atteinte me porte atteinte à moi aussi. Ce qui lui porte atteinte me porte atteinte à moi aussi. Donc on voit maintenant que Fatima est la maîtresse des femmes du paradis. Et subhanallah. Et Fatima, vous savez, elle était la fille du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait comme un servant. Et Fatima, on va dire, se tuait à la tâche aux besognes dans sa maison, au point qu'elle en avait des corps sur les mains. Des corps, vous savez, comme les grosses boules là sur les mains. Pourtant, c'est Fatima, la maîtresse des femmes du genre du paradis. Et pourtant, dans sa maison, elle faisait le ménage. Elle faisait tout dans son foyer. Elle faisait la manger. Elle faisait le pain. Le pain, à la base, il n'y avait pas de boulangerie à leur époque comme on en a maintenant. Le pain, ça veut dire qu'ils avaient les graines. Ils devaient moudre les graines, puis faire la farine, puis faire le pain. Tout. D'accord ? C'était la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle devait faire tout le ménage qu'il y avait dans la maison. Ali était occupé, lui, sûrement, à d'autres choses, le lisse, ce qui s'ensuit. Et elle est exténuée du travail qu'elle avait. Et une fois, elle est partie voir le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle a appris qu'il avait un esclave ou un servant, pour lui demander qu'il lui passe afin qu'il puisse l'aider pour les tâches à la maison. Et il a dit Allah adullukuma alama wa khaylunakuma min khadim, ne vais-je pas vous informer tous les deux à ce qui est meilleur pour vous que un valet. Il lui a dit avant de dormir, de faire le takbir, plutôt le tahmid, 33 fois. Ou 30 fois, j'ai oublié. Puis le tasbih, 30 fois. Puis le takbir, 30 fois. Ça veut dire, avant de dormir, il aura pris un zikr qui est meilleur que le fait d'avoir un valet. C'est-à-dire, il lui a pas donné le valet, dire c'est ma fille, pourtant on lui apprend. Non, il l'a encouragé à patienter et malgré cela de faire des askars le soir avant de dormir qui vont renforcer et la faciliter dans ses tâches, elle, tout comme son époux. De dire avant de dormir, Alhamdulillah, 30 fois, ou 33, j'ai oublié le nombre, je m'excuse. Subhanallah, 30 fois, et Allahu Akbar, 30 fois. Et cela est meilleur que toute aide qu'on puisse avoir en ce bas monde. Également, c'est parmi les causes de risque. Ce genre de askar, c'est parmi les causes de risque. Et tout comme il n'a pas dit à Ali, va aider Fatima. Elle n'en peut plus, c'est ma fille. Vous voyez ? Et c'est parmi les adillah que les ulama prennent pour dire que la femme, à la base, elle est au service de son époux. C'est-à-dire la maîtresse des femmes du paradis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'a pourtant laissé s'occuper des besoins à la maison. Mais cela était pour elle. Et elle, elle a accepté. Juste, elle avait voulu demander d'être allégée avec l'aide d'un valet pour que ses tâches soient plus faciles. Et il est certain que par la suite, Ali radiallahu anhu a dû lui accorder cela lorsqu'il a eu plus de moyens. D'accord ? Et savoir également que même Ali et Fatima ont eu des disputes. Et pourtant, tous les deux ont été promis au Jannah. Il y a quelques jours, je vous en ai parlé d'un hadith lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cherché Ali alors qu'il était sorti de la maison. Et quand il l'a vu au masjid, il a dit « Qum ya Abat Turab ». Et bien en fait, Ali et Fatima avaient une dispute et Ali était sorti de la maison pour se calmer. Il est parti au Masjid. Regardez de qui on parle là. On parle de la maîtresse des femmes du paradis et Ali qui est parmi les 10 premiers au paradis. Et pourtant, c'était un couple et ils sont disputés. Pour vous dire que les disputes sont chose courante dans un couple. Car malheureusement, on a des gens qui, lorsqu'il y a une dispute, tout de suite, ils pensent au divorce. Oui, il me convient pas, ça me va pas, je vois pas faire ma vie avec lui ou avec elle, ainsi de suite. Et un couple, les disputes sont inévitables. Celui qui veut divorcer ou celle qui veut divorcer parce qu'elle a eu un divergent avec son mari, ça c'est un safi ça. C'est quelqu'un qui va jamais tenir dans le mariage. Jamais. Ça c'est des gens qui vont divorcer toutes les je sais pas combien. Dès qu'il y a une dispute, une contrariété, c'est divorce directement. Ces gens-là, ils n'ont rien compris au mariage. Même le côté relationnel, même entre amis, on a des désaccords. Entre amis, entre fils et père, entre mère et fille, entre frères et sœurs. Ça, c'est des choses qui sont inévitables. Abou Bakr et Omar ont déjà eu des divergences entre eux. Et pourtant, on voit des gens, dès qu'ils sont contrariés, dans un couple, ça y est, c'est le divorce. Ouais, je veux plus ce divorce, je veux plus se marier avec un tel, je veux plus de toi, ainsi de suite. On dit aux gens, vous avez quoi dans le cerveau ? Allah vous gratifie du bienfait d'avoir un mariage. Et après, au bout d'une dispute, au bout d'un mois, deux mois, je veux plus du mariage. Pour une dispute. Il n'y a même pas eu forcément de péché, de trahison dans une dispute. Où la personne a été vexée par des paroles. Ce qui s'ensuit. La ilaha illallah. Hadashin ajib. Donc regardez ces gens qui étaient meilleurs que nous. Ont connu cela également. D'accord ? Tu auras des moments où ton mari, il va t'agacer. Tu auras des moments où ton épouse, elle va t'agacer. Il y a des moments où il va se passer ceci, cela. Malgré tout. D'accord ? Malgré tout, il faut faire preuve de patience. Et après, al-yusr, après la difficulté, la facilité. Wakada. Donc on enjoint les gens de patienter les uns sur les autres. Et principalement dans les couples. Et d'éviter cette carte, ce joker un peu trop facile de fuir lors d'un mariage, de fuir la fuite, de déserter. Ensuite, il y a également Al-Hassan ou Al-Hussein, qui sont eux les Sayyid des Shabab, des gens du paradis. Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont les deux petits-enfants du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y en a eu d'autres, comme vous le savez, comme on l'a cité au début, mais ces deux-là en particulier ont été favorisés. D'accord ? Et également, Al-Hassan aura été la cause de la conciliation entre les musulmans lorsqu'il y avait un divergent avec Muawiyah. Là n'est pas le sujet. Et malgré cela, Al-Hassan s'est désisté et a laissé la place à Muawiyah pour amener une conciliation entre les musulmans. Radiallahu anhu. D'ailleurs, il avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ibni hadha sayyid wa la'ala Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin » que mon fils un tel, en parlant de Al-Hassan, que Allah azza wa jal, par sa cause, va concilier entre deux groupes de croyants. Et il a dit, en prenant le Hassan et le Hussein, il disait, « Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma » Il a dit, « Oh Allah, je les aime tous les deux. » Alors aime-les. Un doua pour qu'Allah azawajal les aime. Et regardez là le fort de Fatima et de Hassan Hussein, c'est là que c'est qu'un ange est venu, alors qu'il n'était jamais venu auparavant sur terre. Il a demandé la permission à Allah Azawajal de venir passer le salam au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de lui annoncer cela, que Fatima est la maîtresse des femmes du paradis et El Hassan et El Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. À savoir qu'au paradis, il n'y a que des jeunes. Tout le monde est jeune au paradis. Donc maintenant, pour par exemple, les femmes qui des fois ont la folie des grandeurs dans ce qu'elles pensent mériter ou dans ce qu'elles considèrent être maltraitance, qui regardent comment a vécu Fatima alors qu'elle était la maîtresse des femmes du paradis. Qu'elles voient comment a vécu Khadija qui était l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il s'est marié avec elle, elle était plus âgée que lui. Elle était veuve. Elle était plus âgée que lui. De combien, on ne sait pas. Et pourtant, comment elle s'est comportée avec lui, comment elle l'a soutenue. Qui regarde Aïcha, qui était, elle, très jeune. Très, très jeune. Et malgré tout, elle s'est efforcée à apprendre le ilm, mais ce ilm, pourquoi ? Pour s'élever avec et pour l'appliquer. Et pour l'appliquer et par la suite pour le propager. Et les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il leur a dit, si jamais ce que je vous donne ne vous convient pas, alors je vous délaisse et je vous donne une compensation. Et voilà. Mais celle qui veut Allah et son messager le jour dernier, alors qu'elle patiente. Elles ont patienté. C'est un exemple à suivre, tout cela. Tout comme il convient à l'homme, lorsque sa femme a des exigences et qu'il est en mesure de pouvoir l'alléger et l'aider, bien sûr qu'on va l'encourager à le faire. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas obligatoire. يحتسب الأجر عند الله عز وجل. Et que la femme également soit reconnaissante. Si ton mari vient et il t'aide dans une chose qui n'est pas obligatoire, sois-en reconnaissante. D'accord ? On va dire, oui, c'est normal, ton mari, il faut que tu le fasses. Non, s'il n'a pas à le faire, voilà. S'il n'a pas à le faire et qu'il le fait pour t'aider, alhamdoulilah, c'est un khayr. Et s'il ne le fait pas, il ne faut, faut pas faire de reproches par rapport à cela. Et tout comme les hommes doivent eux-mêmes être reconnaissants lorsque leurs épouses sont à leur service correctement, elles font des efforts, d'accord ? Elles sont affectueuses, elles les soutiennent, elles les suivent, elles restent loyales, ce qui s'ensuit, malgré leurs défauts qu'elles peuvent avoir, l'époux doit être reconnaissant. Et savoir que s'il y a une femme comme ça, ces femmes-là, elles sont rares. Elles sont rarissimes en ce bas monde. Vous avez juste à ouvrir les yeux, hein. Regardez dehors les femmes qu'il y a. Et Allah Azzawajal t'a accordé une femme chaste, pudique, qui t'est obéissante, qui t'est serviable, qui t'est affectueuse, malgré les défauts qu'elle puisse avoir. Elle est avec toi, elle passe avec toi, dans l'opulence comme dans l'indigence, et ainsi de suite. Elle a couché de tes enfants, elle a souffert pour tes enfants, elle les a portés et tout. Sois reconnaissant pour Allah Azzawajal. Et n'en demande pas trop. Car la plus grande jouissance de ce bas monde, c'est la femme pieuse. C'est la femme pieuse. Et cette jouissance-là, c'est pas tout le monde qui l'a eu. Vous allez avoir des gens, avoir des femmes parmi les plus belles du monde, mais qui n'ont aucune valeur. Aucune valeur. Car cette beauté, elle est donnée à tout le monde. Alors que toi, tu es une femme qui a sa beauté à elle, à tes yeux, qui n'est que pour toi. Que pour toi. Le reste, alhamdoulilah, se cache, elle se préserve. Combien de femmes font ça aujourd'hui, en cette époque ? Elles sont un nombre infime. Si tu en as une comme ça, mon frère, accroche-toi-y et remercie Allah subhanahu wa ta'ala et patiente. فَإِنْ كَرَحْتُهُنَّ فَعَسَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَجَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Si jamais vous le détestez, il se peut que vous détestiez une chose que Allah, dans laquelle Allah il y a bien grand bien et vous le verrez par la suite. طيب. Donc maintenant on prend les favoris du hadith. في الحديث دليل على صفة العلو لله تعالى وأنه في السماء فوق عباده. Donc on y voit également là une preuve que Allah Azzawajal est au-dessus. Car il a dit que l'ange est descendu. D'accord ? Il est descendu. Donc ça prouve qu'Allah Azzawajal est au-dessus. ثانيا أن الملائكة لا تنزل من السماء من تلقاء نفسها وإنما بإذن ربها. Et que les anges ne descendent pas du ciel de leur propre initiative, mais ne descendent que par la permission de leur Seigneur. ثالثا استرباب التبشير بالخير. Qu'il est recommandé de faire la bonne annonce aux gens. رابعا فضيلة ظاهرة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها سيدة نساء أهل الجنة. Et qu'on y voit le mérite apparent de Fatima, la fille d'une messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et qu'elle est la maîtresse des gens du paradis. خامسا أهل الجنة كلهم شباب والحسن والحسين سيدة كل من مات شابا ودخل الجنة. Et que les gens du Jannah sont tous des jeunes, et que le Hassan et le Hussein sont les maîtres de tous ceux qui sont morts jeunes et qui entreront au Jannah. Sadisan, manqiba, azima, wa bishara, lil Hassan et Hussein, wa ummihima, annahum min ahl al-Jannah. Et on y voit ce grand mérite, cet honneur immense, et cette grande nouvelle pour le Hassan et le Hussein, ainsi que leur mère, qu'ils sont tous parmi les gens du paradis. نعم طيب هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته